Oh oh oh! Yes yes. Est-ce que ça marche? Si je mets ça là, est-ce que ça fait du truc? Oh truc. Oh. Ouais, c'est bon. Non, c'est le. C'est non, le. C'est le flux. Oui, ça marche. C'est le... Ok, c'est bon. Par contre, c'est pas très fort. Et on va monter là. Oh, voilà. 1, 2, 2. C'est la classe. C'est la classe. Non, non. Vas-y. Non, mais non, déjà que tu parles pas fort. Il vaut mieux. 1, 2, 1, 2. Ah, vas-y. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Bah ça marche. Ouais, ça marche. Je pense qu'on va faire comme ça. Pas besoin de casque, je veux dire. Non, je pense pas. Voilà. On coupera les... Si tu veux, je me mets là. On s'entend comme ça déjà. Ouais. Pour le, comme ça, je... Ouais. Ok. Alors. Champion. Champion du monde. Champion olympique. Et ça diffuse quand en fait ? Là, bah là, là. C'est parti. Bah là c'est le, je suis sur le petit flux là, tac. Ok. Les entretiens de Grenoble et puis ça va passer sur le gros flux là. Ok. À 20h. Ok. Ça passe direct. Et il faut mettre un disque alors. On peut mettre un disque, ouais, c'est le but de la. T'as des idées, Bonsoir, bonsoir à tous. Entre le T et le U. Entre le U et le T. Ok. Bonsoir, bonsoir Pierre. Non ? Ah oui, si, si. Pardon. Si, si, si. Ouais, bonsoir. Ouais, c'est inversé les. On peut se mettre chacun d'un côté. Pas mal ça, non ? Ok. Merci à tous d'écouter cette émission en beau milieu de l'été. c'est pas une tradition, mais comme l'année dernière, on fait une émission un peu pour envoyer des messages à Thierry Monnier, voilà, qui nous a quitté il y a 2 ans. Voilà, donc on passe des morceaux de sa collection et des morceaux de sa collection sur lequel il a participé. Voilà, c'est pendant 2 heures, entretien de Grenoble, donc je suis avec Pierre, voilà, qui choisit un disque. Donc on a une platine vinyle, et voilà, donc on passe un peu des morceaux contre. On écoute en fond Michael Morley, The Storm. Ah ça tient, c'est un disque sorti sur Kyle. Voilà. Bien sûr un label que j'apprécie énormément. Ouais, c'est bon, t'es prêt ? C'est parti. Allez, on va mettre la sélection de Pierre. Mothers in Mantis. Voilà. On enchaîne avec quoi ? Armpit. Armpit, c'est qui déjà Armpit ? CGA. CGA. Clinton. Noon, je crois. Noon. Allez, hop. Thank you. Yes. Donc c'était Armpit avec CGA dans le groupe. Et là, on va écouter une autre facette, on va dire. C'est de la musique, je crois, électroacoustique. J'ai pas, c'est Philippe Pires. Le morceau s'appelle Litania. Voilà, c'est une pièce assez longue qu'on mettra peut-être en entier ou pas, mais voilà, on verra. Let's go. Je pense que c'est électroacoustique. Yes. Philippe Pires. Pierre, tu vas dire un petit mot quand même, non? Je sais pas. Dis au moins que tu connais pas. Non? Ok. Ok, ça marche. Ça a été créé en 1972 dans le groupement de recherche musicale de l'ex-ORTF, qui est devenu le GRM, hein, j'imagine. Ouais. Voilà. Hop. J'ai même pas bidouillé le son. On continue. Je vais changer de micro, tiens. Voilà. Est-ce qu'il fait du bruit ? Voilà. Celui-là, il est mieux, j'ai l'impression. Yes. Il est mieux pour la voix, ouais. Bah, l'autre, c'est un micro de le fameux SM57. Pour la batterie. Qu'est-ce que tu nous mets, alors ? Ah ouais, K-Group. C'est de la guitare, ça. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Moi aussi, j'avais sélectionné un disque de K-Group. 3,45. Allez, c'est marqué. Let's go. Let's go. We'll be right back. Non, non, non. Si, si, si. Non, alors, K-Group, c'est un néo-zélandais. Paul Torre. Torres. Ouais. On a écouté... On a écouté K-Group sur Hermès et le Late Cut, qui était sorti en 97. Ouais. Corpus Hermeticum. Non, ça c'est l'album Corpus Hermeticum. Ah ouais. Non, c'est ça. Non, ah je ouais. me plante. Ouais. Non, c'est ça. Non. Ah non, c'est pas ça. Attends voir. Il est introuvable. Introuvable. D'ailleurs, on le trouve pas. World Resource. Et voilà, c'est ça. Screen, il s'appelle. Et là, on va mettre la phase B, si je ne m'abuse. C'est assez. C'est parfait pour le late cut. Ouais. CCS, entretien de Grenoble avec Pierre Dismuzi. Une émission spéciale Thierry. Donc c'était la phase B de K Group. Le morceau s'appelait K Group, qui comme son nom ne l'indique pas, une personne seule. Le morceau s'appelait Cars and the Soft Network. On enchaîne sur quelque chose de plus brut, hein, je crois, quand même plus. Voilà, c'est Mark Morgan, donc de Sightings. C'est un album solo qui est sorti, je ne sais pas quand. Les infos après le morceau. Open Mouth. Open Mouth. Le label de Bill Nace. Ah, ok. Le label de Bill Nace. Voilà, au cas où vous n'ayez pas entendu. Ok. Nickel. À tout. We'll be right back. Morgan, donc qui joue en ce moment. Je veux dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Rome State, un groupe qu'il a avec un Norvégien qui vient de Stavanger, pour la petite histoire, la ville du pétrole en Norvège. Voilà, où apparemment ils essaient d'avoir les meilleurs restaurants du monde. Comme Houston, où ils essaient de focaliser le tourisme sur la nourriture. Bref. C'est quoi MM? C'est Michael Morley? Non? Yes. Bon bah je vais couper le MM sur MM. Allez, c'est parti. Toutout. Pardon, je n'avais pas mis le micro. Yeah. always did, in words that I'd imagine saying through the front of my mind. Dead to the day at hand, I ask only reluctantly those who interrupt this visitation of our past. Donc c'était Bruce Russell, un morceau qui s'appelait Four Letters, 4 lettres. Une question de l'audience, une question pointue, n'est-ce pas, je remercie l'auditeur dont les initiales doivent être RS de la poser. Thierry aimait-il le jazz ou appréciait-il davantage le non-jazz? Il l'appréciait davantage le non-jazz, il me semble. Tout en aimant le jazz, voilà, on pourra mettre quelques disques de jazz de sa collection par la suite, peut-être dans la deuxième heure de cette émission. Et là, on va mettre un disque de Bola Cete, qui est un guitariste brésilien, si je ne m'abuse. L'album, c'est Jungle Suite. Et on va mettre le premier morceau, The Sun, ouais, si c'est bien, The sun pours through the darkness, gently, gently. Yippie. Yes. Très beau. Et toi, c'était agacé un peu, Pierre. Un peu. J'adore le son, mais... The scratch. Ça t'agace parce que c'est trop bon, quoi. Il est trop bon. Ok. Mais essaie de le mettre au début. There's something dark in the corner of the tenement. There's something dark and the whisper of a stain. There's an empty space in the shadow of the ornament. There's a parchment skin and the voice of no one sane. T'as pu faire ton scratch là, plus ou moins. Ouais. Yes, The Terminals. Il y a des gens connus dans The Terminals. Steven Kogel, Brian Crook, John Christoffels, Mick Elborado et Peter Stapleton à la batterie. Ouais, c'est pas Steven Stapleton. Mais... On n'entendait pas trop la batterie quand même. Je voulais signaler. Donc là, c'est donc sur cette compile Another Expressway, il y a un morceau de Jeffries, Peter Jeffries, qui joue dans le groupe là dont on va mettre un morceau qui s'appelle Nocturnal Projections, à pas confondre avec Nocturnal Emissions. Et donc c'est un disque sorti sur Dais Records, c'est une sorte de CD, un live en fait. C'est une compilation de morceaux enregistrés live dans les années 80, donc c'est l'album, c'est Inmates in Images et le morceau Don't Go. Let's go. to show by the lack of your attention this island. It's a mild form of anesthesia that I feel each time I see you. Time to go. Future lock of time. May delay this last reaction. Who decides? It's a mild form of anesthesia that I feel each time I see you. I'll go blind. But I finally realized. Yes. Petit souci technique. Eh ouais, c'est ça les disques. Les disques professionnellement gravés. Pardon, pressés. Non, mais c'est parce qu'il est blanc. Donc le plastique blanc, il subit plus les variations de température. Le PVC est blanc. Il est même pas blanc, il est splattered, comme on dit. Bref. Marbré, bravo. Gris marbré. Alors on enchaîne avec Trash. Trosh. Signale que sur ce morceau, il y a le batteur de Dead Sea, Robbie Yeats. Et pour info, ça a été enregistré par Peter Jeffries, donc qui est dans le groupe qu'on a passé juste avant. Voilà. Comme disait Pierre, c'est un peu toujours les mêmes Gugus qui jouent et qui enregistrent. Ouais, voilà. Et ouais, it's a small scene. Et là, c'est clarinette avec qui Peter Jeffries. Non. Non, là, c'est plus récent ça. Ah ouais. Clarinette en anglais, hein. C'est un late cut. Lies, Sorte de Das Valor. C'est assez simple hein, quand même. Ah, tu veux parler? Il met sa discographie sur dans un petit papier calque imprimé. Pas mal ça. Hein. Fais ça toi. Ça t'arrive. va jouer un petit fade out. Ah oui, il a sorti un truc à l'époque sur Ecstatic Peace. Le fameux label de sur Skateboard. Ouais. Hop. Ça devait être Music for Honda Commercial, I suppose. On enchaîne avec Kai Records, Graham Lampkin. Non, le label de Graham Lampkin, et là c'est Callback the Giants. Un duo pas facile à voir ce sillon. Non, il est pas là. Non. Tiens, vas-y, laisse, t'y es pas. Ah si, c'est bon. Tant pour moi. Ben dis donc. Eh oui. Inline, Callback the Giants, c'est l'album The Rising. Voilà, il y a un super album du même groupe qui s'appelle Marianne, qui est très très beau. Alors là, on va mettre un truc plus violent, j'ai l'impression, vu le, même pas. Ah bon. 133 en 45. Pourtant, le macaron est assez visuellement agressif. C'est pour tromper l'auditeur. Vous êtes sur Pinode, ça vous saviez. L'émission Un entretien de Grenoble spécial Thierry. On traverse sa collection. Ta collection en fait. Ouais, c'est toi, ouais, c'est toi. Ouais, ça marche. Dialing In Makes My Skin Crawl, sorti sur le label Pseudo Arcana. Donc ça, c'est un disque à toi, Pierre, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. C'est beau, il est fan. Et donc, par extension. Là, on va mettre un disque de Rape Man. Voilà, c'est le premier morceau là, de là. Voilà, donc... voilà, d'un mort à l'autre, n'est-ce pas ? Comme on aurait pu dire. Yes. Jamila et Nader. Alors, Rape Man, Hated Shiny. On va répondre à la question des auditeurs. Est-ce que Thierry avait plus de CD et de vinyle ? J'avoue que Pierre et moi en sont arrivés à la conclusion que c'était difficile à dire et que. Moi je dirais que c'est autant. Autant. Voilà, kiff. Kiff Borico, sachant que toi Pierre, quand tu as connu Thierry, il n'avait presque pas de vinyle, que des CD. Mmh. Ouais. C'était en quelle année ? Des questions. À peu près quoi, 96. Je l'ai rencontré au début. De 2000 plus. Parlant de micro. Ouais, non, plus. C'est difficile à dire autant de vinyle. Ok, autant. Voilà. Trop dit. Quand on peut pas évaluer, c'est autant, mais je pense qu'on n'est pas loin de. Il n'y a pas de tendance claire qui se. Voilà, qui se dégage. Yes. Alors on va mettre un autre 45 tours que tu as ramené. White Cyst. C'est ça, White Cyst. Donc un kyste blanc. Non, c'est ça. Je vais couper ton micro. Et c'est encore Clayton Noon. N'est-ce pas ? C'est le label de Clayton Noon, mais c'est pas lui. Non. Et c'est un disque qui est fourni dans une pochette plastique en cellophane. Une sorte de cellophane. Avec un ziploc. C'est ça, ouais. On Monday, cloudy periods with southwesters freshening. Allez hop, c'est parti. We're sorry. You have reached. So we have. Oh, Il venait de quelle ville, tu sais, non, non. Dunedin. Ouais. Christchurch. Ou peut-être un bled. On sait pas trop. Plutôt un petit bled. Et donc là, on va mettre Beaten Hearts Builders. Un groupe de punk. Ouais. Avec Chris Knox dedans. C'est parti. Trees and wait. wake the fools for their winged serpent to fly back across the seas, and we descend. Obsidian blades hidden in jaguars and eagles, and we hack their hearts out, slip the side on the slab and drag out their pulsing heart under a blazing sky. The sun behind the sun shrieks in ecstasy. More life, every heart more life. But the sun behind the sun. Ça se termine. Alors, donc, on disait que c'était quoi ? Ah ouais, Beaten Hearts Builders. Le morceau là, c'était Moderation. C'est sorti il n'y a pas vraiment d'année. Donc il y a Chris Knox, Malcolm Grant, Chris Knox, backing vocal. Ah non, il joue seulement sur un seul morceau. C'est surtout Bill Dyrene. Voilà. Je ne sais pas si c'est un nom qui fait la voix. Malcolm Grant, Campbell Maclay, Chris Knox et Mike Dooley. Donc j'imagine que c'est Dunedin. Voilà. Je pense que c'est une ressortie, mais il n'y a pas trop d'informations. Builders Beaten Hearts. Beaten ou beaten? Ah oui, on ne sait pas si c'est beaten ou beaten. Non, en fait, pardon, c'est le groupe, pardon, c'est Builders, et l'album c'est Beating ou Beaten Hearts. Yes. Ah, mais écoute, c'est pas ma langue. Ah. On écoute Glumouth? On écoute quoi? Glumouth? Glumouth. Yes. Glumouth. Scantling, enregistré à Quenji, je sais pas où c'est, pas trop d'infos, hein. C'est quel label? Disky del Barone, ouais. D'accord, les disques du Baron. Ouais, Glumouth, c'est un super groupe. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. C'est un groupe que j'adore. Hein. C'est un groupe que j'adore, Glumouth. Ils ont fait plein de trucs. Mais faut y aller, les yeux fermés. Ok. Mm-hmm. Les oreilles fermées même. Non, les oreilles ouvertes, mais les yeux fermés. Mmh, c'est, ça. C'est exactement ça. Okay. Ça marche. Bah, on va changer de style. C'est une rareté dans la discographie, pas dans la discographie, dans la discothèque de Thierry, j'imagine. 33. Je crois que c'est en 33, ouais. Okay. Voilà. Okay. C'est FYI Chris, sur le label Lionoil. Yo. Lionoil qui est un... palindrome. Oh. Manana, c'est Kraus. Ah non, c'est un split avec Kraus. Donc Thierry dansait-il? Apparemment, il dansait. Ouais. D'après Pierre, quand on aime la musique, on danse. Tête baissée. Ouais. Plutôt dans les concerts rock, j'imagine. Pas dans des petites booms. Ah ouais, c'est ça. Sur Rita Mitsuko. Thank you. Thing. Donc Man Nana, enregistré en live à Hit Gaff en 2011. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce petit 45 tours? Il y a Pumice, ensuite il y a un morceau de Kraus, il y a un morceau de Slug Guts. Slug Guts, c'est des Australiens. Bah non, mais est-ce que t'as prévu hein? Si t'as mis à prévu un morceau de Kraus, mais pas sur le même. Ah, finalement non. C'est quoi ça Ah oui, Our Love Will Destroy the World. C'est quoi son autre nom? Je me rappelle plus. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Birchville 4 Motel. Non, on t'entend pas, je pense. C'est pour ça que je répète. Let's go! Il ne reste plus que 10 minutes. Oh. On peut continuer. Thank you. Christian Marclay aux commandes. Alors l'émission va se terminer bientôt, mais ça, on va continuer un petit peu sur le flux, sur le multiflux en dessous. Voilà. Là, on va mettre un morceau de Michael Hurley, à ne pas confondre avec Michael Morley. Voilà, on aura, c'est l'album Blue Hills et le morceau Help. Non, pardon. C'est un morceau en deux parties. Le morceau 2, la première partie, c'est Help Me to Get Rid of Her. D'accord. Et ensuite, How Sweet I Roamed. Partie B. Et. Pardon ? Il s'est fait chier à faire deux parties ? Ouais. Ouais, ben. Deux, ouais. On verra si ça, comment ça fonctionne. L'une par rapport à l'autre. Ouais, il aurait pu faire deux morceaux, quoi. Ah, peut-être qu'il y a une continuité. Mélodique ? Non, non, je sais pas. C'est le fil du micro, je crois. Allez, alors donc si jamais. Oui, prolonge, ouais. Pas de soucis. Pendant au moins une demi-heure. Voilà. Une demi-heure de plus. On est chaud. Someone to get rid of her. If you are a friend to me, can't you see that I need to get rid of her? I'm a prisoner, I will always be. Sports and plays with me. Très. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mister Catastrophe. En platine. On va mettre un morceau de Maxine Funk. Funke. C'est sorti sur Colorful Secret, un label australien, qui a sorti récemment un artiste grenoblois, Nate Davis, qui était sur le forum, là, sur le chat, il n'y a pas si longtemps. Nate Davis sous le nom Unchained, voilà, bon bref, là c'est Maxine Funk et le morceau s'appelle, je ne sais plus, Fairy Baby. Plus d'infos après le morceau. Let's go. It's a jelly, it's a recipe. It's a baby, it's a wine dark sea. It's a mystery, it's silly. It's an ancient recipe. A pinch of syrup, some fenugreek. Hair of a sloth hanging from an oak tree. Stars pierce the beachy sky peaceably. The smell of an angel at the back of a cave. Warm and friendly. It's a sign. It's congealed, it's concealed, it's concealed. It's j'avais en tête un morceau, ouais, le premier de la phase B avec qui est différent, enfin qui est juste, qui est plus avec plus d'instruments. Vas-y, mets-le. Ouais, on écoute. Okay. Voilà, ouais. But I could see the cumulus. Soul is sterile, but I could taste the pious. Moody relish. Moody relish. Reaching in there. Eyeballs, asphalt, grass clippings, peppercorns, moody relish, moody relish, reaching in there. Yes, vous avez entendu là, non? Ouais, alors, ouais, ça c'était le deuxième de la façade de Maxine Funk, dont on nous indique qu'elle a été, qu'elle était la compagne d'Alastair Galbraith. Comme ce disque est sorti sur Colorful Storm, on met un autre disque sorti, donc comme ouais, je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre un morceau de Unchained, voilà, qui est sorti sur le même label, ça fait une sorte de transition, et comme c'est le voisin de Pierre, bon ben voilà, ça fait beaucoup de liens, des liens proches et des liens lointains. Allez, deuxième, la phase B. Thank you. Yes. Nate, bravo. Ah, celui-là est encore plus beau, on va pas le mettre. Ouais, donc j'avais prévu après Guided by Voices pour relâcher la pression. C'était... Non, sur l'autre face, c'était Tractor Rape, un truc comme ça. Tractor Rape Chain, Guided by Voices. L'album B-1000, ouais, le troisième. Ohio. Tractor Rape Chain Guided by Voices, l'album B-1000. C'est quelle année ça? Je ne me rappelle plus. Donc c'est quoi? C'est Dayton, Ohio, il me semble. Robert, non, je ne sais plus. Robert Pollard, mais c'est l'Ohio, ouais. Dayton, possiblement. Alors on va mettre un peu de free jazz avec Paul Flaherty, Chris Corsano et Bill Nays. Deez. Donc c'est un enregistrement de, c'est dur à savoir quelle est l'année, là. 2015 j'imagine, voilà, sur le label Open Mouth Record, ben, tu peux mettre ce que tu veux, ouais. C'est parti, 3 stars, du free jazz, blanc. Thank you. Blue Water, Flaherty, Corsano Nace. C'est une note bleue qui joue, sûrement. C'est une note bleue. C'est un accord, un intervalle bleu, non, j'imagine. C'est pour ça qu'il s'appelle Blue Water. Hein, le ut, c'est quoi le ut? Le do. C'est un do. Un do mineur? Non. Non, c'est une note bleue, ouais. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Consécration de quoi? C'est la montée, tu veux dire? Ah oui. Ouais, c'est une montée, quoi, ce morceau. Non, non, je parlais juste de l'explication du titre. Je me disais que c'était une note bleue. Allez, c'est la dernière. Ben non, on reste jusqu'à 11h, donc 32 minutes. On se relâche un peu. La fatigue fait son effet. On se relâche. Nickel, Scientific Nickel, Setia Virens. C'est un italien, non, je pense, I suppose. Voilà, on remet un petit morceau de avec Steve Albini, Shellac, sur l'album Great Great Labrador, non, je ne sais pas comment c'est. The Greyhound, fabulous. Excellent Italian Greyhound, ouais, j'étais pas loin. Le premier morceau de la face B ou A. Ah oui, non, The End of Radio. Ouais, ouais. Let's go. Are we going? It's about 45. Is this thing on? Is this thing on? Yes, it is. At sea, anyone within the sound of my voice, I've got 50,000 watts of power. Electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, in the dark and lonely. I got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now? To my top 10. I'd like to thank our sponsor. But we haven't got a sponsor. Not if you were the last man on earth. She was prepared to prove it. This one goes out to a special girl. But there is no special girl! It's the end of radio! The last announcer plays the last record. The last what? Leaves the transmitter. Circles the globe in search of a listener. Can you hear me now? Can you hear me now? it really broadcasting if there's no one there to receive? It's the end of radio. As we come to the close of our broadcast day, radio. Can you hear me now? Alors, je pose une question aux auditeurs. Vous êtes plutôt Tom Verlaine ou Steve Albini? Même si ça n'a rien à voir. Voilà, vous pouvez mettre vos réponses sur le chat de Pinode. Ou nous appeler au 04 76 22 22 23. On se dirige. Ah, maintenant il reste 20 minutes encore. Hop là. C'est un long morceau en fait, hein. Ouais, The End of the Radio. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur. C'est un morceau un peu vitupérant. Enfin, engagé quoi, je veux dire. Je voulais remettre le. Voilà. Ça a marché, ouais. On va revenir à des choses plus éthérées, disons. Ouais, je connais pas ce disque. Jason l'escalite. Electronic Music, un titre qui est intéressant par sa concision, sorti sur Triple R Accords. Voilà, le fameux label, très vieux label du Massachusetts. Yes. La pochette de l'album est une assiette prise en photo. Belle pochette. Piou piou piou piou piou. Yes. Merci Ron Lessard, aka Émile Beaulieu. Merci. Bon, j'ai trouvé là dans la discothèque de Thierry le fameux disque RRR 500, mais je ne le passerai pas. Ouais. Bon. Ah, il y a un 45 aussi. Good to know. Donc ça, c'était 2003, le Jason Lescalette, comme je l'ai dit sur le chat. Et là, on en chain. C'est pas très bien comme expression en chaîne. On continue, voilà, c'est mieux. Avec Cyclops, un groupe néo-zélandais, je suppose. Hein. Et ouais, le single s'appelle En Simpleton. Thank you. c'était Cyclops Simpleton. Et comme d'hab, il y a toujours, il suffit de connaître 4 personnes pour décrire le milieu rock noise néo-zélandais. Donc l'une d'elles, c'est Peter Jeffries, qui est dans ce groupe Simpleton. Et là, le prochain groupe qu'on va mettre, il y a Peter... Si, il y a Peter Guthridge, pardon, pas Peter Jeffries. Peter Jeffries, c'est le morceau d'avant, et là, c'est Peter Guthridge. Et c'est... What is this band called Snapper? Par Red Snapper. Conneries, il paraît que je parle pas. Moi je vais parler. Moi. Snapper, on va mettre la face B. Gentle Heart, Final Records. Mmh. pleasure to touch your heart. To touch your heart. I can hardly breathe. Allez, c'est le dernier morceau, je pense. Ah bah ouais. Ouais. À plus. À bientôt. On finit le dernier morceau là. Alan Licht. Licht. Alan Lumière. Merci à tous. À bientôt. Cheer up. Et bon été.